À l'heure actuelle, les États-Unis n'hésitent pas à perpétrer des attaques militaires et menaces contre l'État souverain sous prétexte de la paix par la force. À ce propos, le porte-parole de l'Institut pour le désarmement et la paix du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a lancé le 13 une communication. En voici le résumé. Il est de notoriété publique que les États-Unis ont perpétré une attaque de missile d'envergure contre la Syrie, ce qui est une violation brutale du droit international et un acte d'agression barbare et insolent. Les États-Unis perturbent la paix et la stabilité du monde et recourent à la théorie banditiste selon laquelle leur acte d'agression contre un État souverain est résolu, juste et proportionnel et destiné à sauvegarder l'ordre international et cherchent à le reproduire dans la péninsule coréenne. Ils introduisent sans cesse un bon nombre de leurs biens stratégiques nucléaires dans la péninsule coréenne, le point chaud le plus dangereux dans le monde, pour menacer la paix et la sécurité et aggraver la situation de la péninsule au seuil d'une guerre nucléaire. À cause de leur démarche, la péninsule coréenne fait face à une situation critique où une guerre thermonucléaire peut éclater à tout moment et la paix et la sécurité du monde, sans parler de l'Asie Nord-Est, sont gravement menacées. Plus grave, c'est que les États-Unis approuvent de façon ouverte la démarche des autorités sud-coréennes qui, après avoir exécuté le tir d'essai du missile balistique de portée de 800 km, parlent ouvertement de le disposer comme leur bien stratégique capable d'éliminer la direction du Nord. Les Américains restent muets devant l'exploitation du missile ou le tir du satellite de reconnaissance de leurs alliés et lancent même des missiles aux pays souverains sous tout prétexte. Leur acte injuste et agressif à double norme est intolérable en aucun cas. À l'heure actuelle, les États-Unis rêvent de l'effondrement de notre régime par une collaboration. Mais c'est là une chimère naïve et absurde. Nous nous opposerons résolument au diktat et à la tyrannie des États-Unis par notre propre force pour défendre la paix et la sécurité de notre État, et nous nous efforcerons dynamiquement pour sauvegarder la paix et la stabilité du monde et réaliser la justice internationale authentique.